Certains rêvent de vivre et non de survivre dans ce que l'on appelle la vie. Pouvoir vivre libre et en équilibre, tout simplement vivre leur vie, leur vie, leur vie. Le micro, à tous les jeunes déférés au parc après le comico, à tous les grands hommes qui pensent et qui parlent en gros, à tous les fils d'immigrés qui emmerdent le petit Sarko. Ah bon? Hey Sarko, t'es là, tu fais le beau, mais avant toi et après toi, y'a toujours eu le ghetto. J't'ai dit, c'est la rue qui part derrière le micro, c'est pas les infos, mais la banlieue en VO. Ils veulent nous faire croire qu'on est tous devenus fous. Ils disent qu'ils nous tendent la main et que nous, on s'en fout. Bande de cons, hé hey, sale con, on a cramé ton mytho. Y'a la rue qui crame dehors, ramène le gars cher, sale mytho. Je me présente, moi c'est Gilberto. Si c'est le petit voyou de la cité qui crie trop ghetto, je veux juste pouvoir vivre libre, en équilibre, tout simplement vivre ma vie. Les gars sont passés de petites aux grandes bêtises. Buissonnière et l'école, la déconne une devise. On s'en bat les couilles, même les gosses le disent. Ma Toulon vit, même les ladies disent. Fuck la drogue, sont sous son emprise. Ouara et de coq peut faire les bitches. Me casse pas les couilles, même les meufs le disent. Sais-tu ce qui se passe de voir? Viens faire un tour dans l'hôtesse, voir l'enfer du décor. Sous chaque sourire se cache des problèmes. C'est le grand Delport. J't'invite à bord. Sais-tu ce qui se passe de moi? Viens faire un tour dans nos têtes, voir l'enfer du décor. Et on prie pour notre survie, prie pour nos petits, prie pour les nôtres, j'lance un cri, j'compte ma vie.